échangeur d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand fait la mise en onde, le choix musical et ce genre de choses. Ce soir, une émission qui commence par un bloc consacré au crime jazz, avec des trucs comme un peu des New Morricone dans Crime and Dissonance, des Lounge Lizard, des trucs choisis par Alfred Hitchcock. Ensuite, on aura deux blocs qui s'en vont plutôt en Afrique. Et si on veut aller en Afrique, on est aussi bien de partir tout de suite. How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock, and this is Music to be Murdered By. It is mood music in a jugular vein, and I hope you like it. Our record requires only the simplest of equipment, an ordinary phonograph needle, a 4-inch speaker, and a .38 caliber revolver. Naturally, the record is long playing, even though you may not be. So why don't you relax, lean back and enjoy yourself until the coroner comes. I hope that as you listen to this, you are among your loved ones. For I believe that murder, like charity, begins at home. After all, some of the most exquisite murders have been domestic, performed with tenderness and originality, and in simple, homey places like the kitchen table or the bathtub. So, gentlemen, if you're with your wife, show her how you feel about her. Put your arms around her neck and listen to this musical admonition. Cardboard forced fists in my brain. I blacken the walls as I suffer my youth. I've got the cancer of birth and I ask what's the use. There's knives in my drain and there's shafts in my brain. Curling the hairs in every man's mad. Broken fingers of passion in every girl's unbled, and I'm ripped to the sore. Every man's madness, and I'm hurling the core. There's knives in my drain, empty splints in my brain. I've carved knives in my hair. It's every man. A city is a many-sided thing, and I've seen all sides. I've seen the con men, the pickpockets, the champagne drinkers, and the winos. I've had my fill of the junkies, the pushers, and the peddlers. But the most exciting assignment I ever worked is the theater district, my present one. There's something about show people that lights the fires in my heart, especially the young ones with the look of ambition burning in their eyes. Eyes that speak more eloquently than any written word. A city is not all bad. It's composed of both shadow and substance. It has its highlights, and one of these is Judy. Judy, whose last name is Johnson, from somewhere, Wisconsin. Judy's world is very young. Her past is almost non-existent. Across her future, stars are strung. Judy is a sort of a poor man's Cinderella. No, she didn't arrive in a coach drawn by six white horses. She came by Greyhound. Hello, Mr. Hitchcock. In 2 minutes, you will be dead. Hitchcock, in 1 minute, you will be dead. This concludes our danse macabre. Portions of the proceeding were recorded. As for the rest of it, I'm very much afraid it was all in your mind. I don't intend to indulge in any post-mortem. If you haven't been murdered, I can only say, better luck next time. If you have been, good night, wherever you are. Ah oui, mais ça commençait comme ça avec du crime jazz. Et un peu la voix d'Alfred Hitchcock qui sortait de Alfred Hitchcock Presents Music to be Murdered By. C'est paru en 1958 et le premier extrait Music to be Murdered By. Hitchcock qui est né en 1899 et qui est mort en 1980. Longue carrière. Oscar Sala nous faisait title music du film Der Würger von Schloss Blackmoor. Sur la compilation Criminal Film Music numéro 4, un type qui étudie et le piano et la physique aussi, puis qui a inventé un instrument qui s'appelle, oui, attendez, le trautonium. Puis on en entendait d'ailleurs dans l'extrait qu'on a choisi. Et ça a été utilisé dans The Birds de Alfred Hitchcock. Évidemment, une bande sonore non musicale. Voilà. Ennio Morricone faisait Gli Intouchabili Titoli sur Crime and Dissonance de 2005. Ennio Morricone, ben, c'est plus de 500 musiques de films. Il a 90 ans aujourd'hui, il continue. De toute façon, il pourrait pas s'arrêter. Il sait probablement pas quoi faire s'il fait pas de musique. Il a fait beaucoup de trucs qu'on n'entend pas, des musiques plus sérieuses, qu'il a dirigé lui-même en concert, tout ça, et beaucoup de musiques qu'on connaît extrêmement bien. Pour une poignée de dollars et ce genre de films-là. Parfois sous un faux nom au début, parce qu'il voulait faire croire que c'était des films américains. The Lounge Lizards suivait avec, au contraire, Arto, sur The Lounge Lizards 1981. Moi, j'aime toujours la batterie d'Anton Fear là-dessus. J'aime le tout, mais particulièrement la batterie d'Anton Fear. I'll Walk Alone, c'était Alfred Hitchcock qui nous revenait avec un petit extrait toujours sur Alfred Hitchcock Presents Music to be Murdered By. Et nous sommes passés à Nelson Riddle qui nous faisait Recklessness sur de la série télévisée The Untouchable de 59 à 63. Nelson Riddle qui compositeur, arrangeur, chef d'orchestre et acteur aussi. Puis il a été arrangeur, entre autres, pour Frank Sinatra. Ce qui devait être un bon emploi, tout de même. Ensuite, Keith Pathward nous faisait Journey into Sound No. 6 sur une compilation qui s'appelle Morphine Mambo Jazz Club de 66. Lydia Lunch, qui est une habituée de l'émission et un des disques les plus écoutés par Jean-Philippe dans les années 80, Queen of Siam de 1980, Knives in the Drain. Et on est passé à George Dunning qui nous faisait I've Seen All Sides sur The Naked City, a musical portrait de 1958. Lui, c'est un type qui est né à Richmond et qui est mort à San Diego. Puis qui a fait aussi beaucoup de musique de films et de toutes sortes. The Vampires of Dartmoor nous faisait Hello Mr. Hitchcock sur Dracula's Music Cabinet. En fait, ce sont des musiciens de studio, de library music, et qui sont amusés à faire des trucs comme s'ils avaient fait de musique de film, mais d'un film qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Possiblement. En fait, on leur a rien demandé, mais ils se sont dit, allons-y. Art Van Damme nous faisait Voodoo Doll sur une compilation qui s'appelle Swing for a Crime. Là, il y a une question qui se pose, est-ce le bon Art Van Damme? Parce qu'il n'y a pas d'accordéon sur la pièce qu'on a entendue, mais il était aussi, il dirigeait aussi des orchestres, puis il composait. Alors, on pense que c'est lui, mais comme ça sort d'une compilation un peu obscure, parfois, on ne sait pas. Puis c'est un type qui a continué à jouer toute sa vie, en fait, jusqu'en 2010, quand il avait 89 ans, puis il est mort alors qu'il était encore en pleine carrière. Et nous avons terminé avec un autre petit extrait de Alfred Hitchcock, The Hour of Parting. Un petit extrait de... Vous pouvez trouver ça facilement. Alfred Hitchcock presents Music to be Murdered By. Ensuite, on va aller faire un petit tour en Afrique. Eh oui. Triste, mon cœur est triste, ma vie est triste, y a le soleil qui s'est enfui et mon amour qui est parti avec lui. Le ciel s'envoile, est plein d'étoiles qui me dévoilent qu'elle est heureuse loin de moi et qu'elle ne pense plus à moi, loin de moi. Prions qu'elle revienne un jour pour toujours. Cette musique mélancolique, cette musique, je l'envoie par le vent du soir à celle que j'aimerais revoir. If la belle ou la bête au yojo. Et fourniche non long t-shirt tonneau. Et ma folio gongo est un tiro, robare yenishi ou pata pata. Et pas la belle ou la bête au yojo. Et fournisse un long tissu tonneau. Et fournisse un long tissu tonneau. Et ma folio gogo est à tiro. Baba Maui, Sonny Adetone. Tu wait a ballon fatty, Sonny Adet. Tu wait a ballon fatty, Sonny Adet. Ninu Rile, Babilo De. Ninu Rebe, Babila Ujo. Ibika Nowo, Babika Lusho. Ibika Kole, Babika Ramoto. Mado juti wa show Ani temini o sonira la de mi gbogba temini temini o sonia de Thank you. Atomic bomb. là là. Eh ouais, ben là, on était plus du côté de l'Afrique, avec Francis Bébé d'abord, qui nous faisait Sansa Tristesse sur Psychedelic Sansa, une compilation de 1982 à 84, parue en 2014. Francis Bébé, qu'on a mis souvent à l'émission, qui est né à Douala, au Cameroun, puis qui est décédé à Paris en 2001, à l'âge de, quoi, 72 ans, ou quelque chose du genre, oui. Commencé sa carrière comme journaliste radio, puis assez reconnu, assez connu aussi, et en 72, il a sorti son premier disque, puis il a décidé de se consacrer uniquement à la musique à partir de ce moment-là. Il a fait la chanson humoristique à une certaine époque pour ensuite faire des trucs plus sérieux et poétiques. Puis il s'est promené un peu partout, puis on aime bien ça. C'est pour ça qu'on en met régulièrement. Voilà. Ensuite, King Sonny Alley and his African Beats nous faisait Samba et Farabe Lewe sur Juju Music de 1982. Là, on est dans les très grosses pointures avec King Sonny Ade. King Sunday Adenye Adegeye. À son âge, à 72 ans, peut-être qu'il écoute notre émission, puis il n'a pas dû aimer ma prononciation. Et je promets de pratiquer. Alors, c'est un multi-instrumentiste, mais on le reconnaît pour son jeu de guitare aussi. Puis, il a vraiment influencé énormément de monde, puis a joué avec plein de gens, il s'est promené un peu partout. Une des premières vedettes avec Fela Kuti à se promener puis avoir une grande visibilité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui à part de ça? Ben, qui a fait autant de la musique traditionnelle, pratiquement, qui a mêlé la musique traditionnelle avec des trucs plus occidentaux et inversement. Disons-le comme ça va simplifier la chose. Puis, évidemment, son jeu de guitare, ben là, on peut pas oublier son jeu de guitare. Puis, c'est. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a gagné un Grammy pour Synchro System en 1983. Voilà. Ensuite, William Honeyabor nous faisait Atomic Bomb sur Atomic Bomb de 78. Les paroles sont assez simples. Ça dit surtout Atomic Bomb. Et c'est vraiment très chouette. C'est drôlement enregistré. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu croche, mais en même temps, ça nous fait penser à du Talking Heads. Et d'ailleurs, William Honeyabor, qui est un musicien nigérian, qui est né à Enugu et qui est mort dans la même ville, a été redécouvert par David Byrne, comme on dit, qui a sorti une compilation de ses trucs. Sa biographie est un peu drôle, ben, il est né en 1945 ou 46. Certains biographes affirment qu'il a étudié le cinéma en Russie avant de revenir au Nigeria dans les années 70. Il a publié un premier album, puis il a fait 8 disques jusqu'en 1985, puis il se retire de la musique et retourne dans sa région natale et se consacre à la religion ou devient chef de village et entrepreneur. Voilà, alors vous pouvez décider comme ça. C'est la vie dont vous êtes le héros. Alors, vous choisissez et vous promenez, vous décidez de où vous allez. Voodoo Game faisait Chérinier sur Kidayou de 2016. Là, on est dans le Peter Solo. Peter Solo a fondé un groupe qui s'appelle Voodoo Game, dans lequel il mêle les rythmes traditionnels avec des trucs plus funk des années 70, avec des gens qui viennent de je ne sais où. Vincente Fritis, Jérôme Bartholomé, Guillaume Parquel, Simon Bacroix, ça fait un peu français, mais Afid Zouaoui. Alors on cherche un peu d'où viennent tous ces gens, peut-être des Belges, des Suisses, mais lui, où est-il né d'ailleurs, je cherchais, peut-être à Cotonou, dans le coin de Cotonou, au Bénin, ouais, c'est ça, ou au Togo, ou au Bénin, au Togo, me dit Jean-Philippe, alors il est né, on est pas mal sûr qu'il est né au Togo, c'est vraiment très très bon. Peter Solo, alors ça c'est son amusement avec Voodoo Games, il va nous rester un petit bloc, avec Baba Commandant and the Mandigo Band, un peu de Zazu Bikaye, Bongwana Star, puis Otim Alpha. Ben écoutez, et une petite surprise à la fin. Masunguru ni mi tama toy ngo bobira ne mele to wel. Obira. Hello. Me kamelen do bobara. Dimina anya yesu nguruba sunguru mulwale kwa kumba dimina anya yesu nguruba so sunguru mulwale kwa kumba dimina anya ye kamele ba sunguru mulwale kwa kumba dimina anya ye kamele ba so sunguru dimita ba Sunguru nimi teme toye ngopo bira ne mele to wele. Hey Sunguru nimi teme toye ngopo bira ne mele to wele. Thank you. mtulingi Eko boma Soki to bongi Nani tema Bola mtulingi Se banca Ola bese mumbele Ola bese ngalieme Ola bese selebao Ola bese lembala Banca, mando monto, abi berkita rozawe, moni zamona, batare abama, bula bio abiu, kuna goli samunche ibando, bibate, bate banganche, bate banganche, bate ba yini, ibali silo, bula bunyar kosa yini dendo wa, kuna goli bila manche, ibali silo be banca. Yeah. ali si la bula bula buso bi bula buso bi mi bate be bate kuna koli li be baka bali ili bula ba kali ya wente ka kuna kweye bona koli sabando le sele baka baka bontu ba yini ali si la bo bontu ba kwe ya bo emma ba yom param par manche mando mando mando Ulabo bibi singali eme Tira Juri Mondial Begileo Ba Giri Beli Tiro Tua Giri Beli C'est rendu qu'on est iconoclaste. En fait, ça n'a plus de Raymond Lefebvre qui joue Billie Jean. Ça, c'est du fond sonore. Excusez, voilà, j'y reviens. Baba Commandant and the Mandingo Band nous faisait Bobby Ra sur un album qui s'appelle Siri Bakele. Où es-tu? Ah, ben, mon Dieu, est-ce que je l'ai fait disparaître? Voilà, Baba Commandant. On dit de Baba, celui qui se fait appeler Baba, Mamadou Sanou, qui est original et excentrique. C'est facile à croire. Il a fait de la danse, de la musique, puis il a décidé de fonder ce groupe en quelle année? Ça datait de quand, cela? 2018, voilà, celui-là. Puis c'est des trucs qui sont très très chouettes. Vraiment, c'est ça, on a beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé les deux blocs africains. Puis il y avait une de mes pièces préférées de Zazou Bikaye, CI1, qui suivait la pièce Lamouka sur Noir et Blanc de 1983. Zazou Bikaye, c'est vraiment un disque que j'ai beaucoup écouté. Une des bonnes réussites dans le genre mêlé de la musique occidentale, un peu électronique, avec des chants de Bonnie Bikaye, qui est un Congolais. Puis on a écouté ça vraiment d'un bout à l'autre, sans arrêt, avec une étonnante régularité. Puis c'est vraiment très bon. Si vous tombez là-dessus, Noir et Blanc, je sais pas si ça a été réédité depuis. Voilà, Jean-Philippe me dit oui. Là, je vais essayer ma prononciation. Bongbwana Star nous faisait N'Gantye sur From Kinshasa de 2015. Un groupe qui a donné aussi en fait qui dont on a un nouveau sous-produit qui s'appelle le Staff Bandabili. Puis eux sont devenus assez populaires à un moment donné, mais ils ont un concept qui est assez intéressant où est-ce que t'as les plus vieux qui prennent à leur charge des jeunes de la rue qui participent au groupe. Ça, puis c'est vraiment très très chouette. C'est depuis 2013. Puis des gens qui font de la musique de rue et qui en même temps se sont retrouvés à se promener un peu partout. Puis c'est du beau stock. Otim Alpha nous faisait la pièce Gangbear Ki Dako sur Gulu City Anthems, oui, de 2017. Lui, on dirait que... D'abord, la pochette est vraiment drôle. On dirait vraiment une pochette de Preacher. Sa spécialité, comme vous vous en doutez, probablement, c'est la musique de mariage. Alors, c'est un expert dans la musique de mariage d'Ouganda. Puis, il a peut-être fait avec son groupe à répétition, mais il s'y est intéressé aussi pour faire de la recherche là-dessus. Et c'est vraiment quelque chose de chouette. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Ben, vous savez ce qu'il reste à vous dire. D'abord, Benoît Arcand est arrivé. Il est prêt à faire terrain vague. Et nous, on vous dit tout simplement à la semaine prochaine.